Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et bienvenue à cette émission quasi hebdomadaire, on pourrait dire. Et avec moi pour animer cette émission encore cette semaine, mon ami, collègue et survivant d'une grippe d'homme qui a été importée directement d'Allemagne, Marc Bouchard. Salut Marc. C'est drôle, je m'attendais tellement à un commentaire de cette nature-là. Mon cher, tu sauras que ça a été un virus extrêmement virulent. Oui. Qui m'a gardé sur le dos pendant plusieurs jours avec la fièvre, la toux et la totale, là. Oh oui, j'ai aucun doute là-dessus, Marc. Je dis parce que c'est drôle parce que t'es revenu d'Allemagne puis t'as pogné la grippe comme une couple de jours après ou une journée après. Ah non, je suis revenu d'Allemagne avec, là. Ah, OK, bon, c'est ça. J'étais dans l'avion déjà que ça allait pas bien et vraiment, là, écoute, ça a été vraiment difficile pendant plusieurs jours, j'avais même pas de voix. Ouais. C'est pas que ma femme s'en plaignait tant que ça, là, mais j'avais de la misère à parler, effectivement. Non, ça n'a pas été si facile. Honnêtement, je l'ai trouvé un peu tough. Et là, tu vois, mais écoute, ça m'a même empêché, objectivement, là, j'ai travaillé, mais je travaillais surtout de la maison parce que je voulais pas contaminer personne. Oui, non, c'est très bien. C'est bien. Gentil de ta part. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'émission les deux dernières semaines. C'est la question logistique, là, l'application qu'on se sert pour enregistrer. Parce que les gens qui ne savent pas, on fait l'émission par Skype, parce que moi puis Marc, dans la même pièce, ça marcherait pas. Fait qu'on fait ça à distance. Mais non, c'est pas vrai, là. Mais on fait ça par Skype parce que. C'est surtout l'odeur qui me dérange, en fait. Ouais, c'est ça. On demeure loin un de l'autre, puis j'aurais peur que tes chiens me mangent. C'est ça. Fait qu'on a dû, l'application a arrêté de fonctionner, donc il a fallu que je trouve un plan B. Puis la semaine d'après, ben, Marc était malade et moi aussi. Donc, on n'était vraiment pas en mesure de faire une émission, mais on est de retour cette semaine, puis on espère qu'on va être en forme et quand même intéressant. Ouais, ben, on est toujours intéressant. OK. Intéressant. Des fois, c'est juste pour nous autres, des fois, c'est pour tout le monde, mais on est toujours intéressant. c'est ça. On verra bien si ça affecte tout le monde ou juste nous autres. Marc, on a eu quand même des nouvelles intéressantes dans les dernières journées. Là, Chevrolet qui a annoncé l'autonomie de la Bolt et aussi son prix. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que les gens attendaient. Trouves-tu que c'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour GM, mais peut-être un peu moins bonne pour Tesla parce qu'ils se font damer le pion comme pour la première fois de leur courte vie. Oui, ben écoute, on va. Je pense qu'il faut prendre le temps de décortiquer tout ça parce que oui, c'est une bonne nouvelle pour GM, évidemment. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de voitures électriques. Oui. Sauf que faut parler de. Je pense que chaque cas est différent. Et je m'explique. L'autonomie, 383 km pour une voiture de cette taille-là, c'est vraiment génial. C'est parfait. Je pense que c'est de ça dont tout le monde avait besoin. Oui. Je veux dire, même moi, je serais capable de vivre avec une voiture comme celle-là, même si je vis un petit peu plus loin, en banlieue de la Rive-Sud, je pourrais très bien me débrouiller avec ça. Oui, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le prix. On nous avait promis un prix inférieur à 37 500 US. Il faut le répéter, c'était US. Oui. Parce qu'il y a eu toutes sortes de commentaires. Donc, et c'était après les incitatifs. OK? Donc, c'était pas le prix net 35 500 moins le 8 000 là. Non. La promesse faite par GM, et la même promesse a été faite par Tesla d'ailleurs, c'était après les incitatifs. Ouais. 35 500, je suis pas très bon en maths, si tu peux me corriger, ça fait 45 000 à peu près en canadien. Ouais, mettons. Vite fait. Ouais. Le prix qu'on nous a annoncé, c'est 44 395, incluant transport et préparation. Ouais. OK? Ouais. Après, à ça, il faut que tu ajoutes les taxes. Tu es rendu à 51 000. Oui, bien sûr. Moins le 8 000 $ de crédit, tu es rendu à 43 000. On peut donc dire que GM a rempli sa promesse de nous fournir une voiture qui est moins dispendieuse, qui est actuellement dans sa catégorie la moins dispendieuse. Oui, c'est sûr. Bon, là, on a tout dit ça. C'est beau, c'est le fun, bravo. 43 000 $ ça commence à être cher pareil. Pour une petite voiture de ce taille-là, c'est sûr et certain que c'est pas donné. C'est pas donné et il faut rappeler, parce qu'il y a aussi un côté moins jojo à toute cette histoire-là, puis c'est là que je vais en venir. C'est, il faut rappeler que c'est la version de base. Elle est quand même équipée pas si mal, mais c'est la version de base. Et comme d'habitude, celles qui vont sortir en premier, ça va être les premières, donc les versions haut de gamme. Et là, il faut s'attendre à quelques milliers de dollars de plus. Oui, avec le cuir et tout ça, là, ouais, ça va coûter un avec petit peu plus cher. Avec le cuir, ouais. la caméra 360 et ce genre d'affaires-là. Donc, il y a de fortes chances que ça touche beaucoup moins de monde les premières versions parce que ça va être des voitures qui vont valoir après rabais 45 000 $. Ouais, ça commence à être pas mal d'argent. Ouais. L'autre chose dont il faut parler, c'est le temps de recharge. Parce que c'est le fun, une auto qui fait 383 km en autonomie, mais sur une borne, la borne standard que tu as à la maison, là, la borne sur 220, ouais. On parle de 9 heures de recharge. Ouais, mais les mathématiques de GM, je veux dire, ça marche pas nécessairement parce qu'ils parlent de 40 km d'autonomie par heure de recharge. Puis là, ben c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça marche si on regarde le nouveau chiffre qu'ils donnaient. Parce que sur le site média, on a les vrais chiffres. Sur le site consommateur, on n'a pas les vrais chiffres. On a les chiffres, c'est encore le 320 km d'autonomie. Oui, ça parle de 9 heures de temps de recharge, puis ça parle de 40 km d'autonomie par heure de recharge, sauf que si tu fais 40 à 320, ça donne 8 heures de recharge et non pas 9 heures de recharge. Oui, mais là, on parle vraiment de 9 heures et même presque 10 heures de recharge. Ouais, ce qui est correct si tu dépasses pas ton autonomie dans la journée, puis tu recharges chez vous le soir. Moi, je recharge ma Leaf le soir, le lendemain matin, elle est pleine, la Bolt serait pleine aussi en repartant. Donc, de ce côté-là, c'est correct. Oui, c'est quand même, il faut l'avouer, c'est quand même assez long. Là. On s'entend, là, on n'est pas dans les affaires très, très rapides. Là. Non, c'est long. Et ça, je t'avoue que c'est la partie qui me dérange. Et après ça, c'est la partie qui m'a fait vraiment rigoler et je serais vraiment pas fin, c'est la guerre entre Tesla, les mordus de Tesla et les mordus de voitures électriques. Parce que depuis que Chevrolet a annoncé cette voiture-là et qu'ils ont annoncé le prix et l'autonomie, là, les amateurs de Tesla disent « Oui, mais regardez, ça va y prendre tant de recharge, sa batterie n'est pas assez grosse, Tesla fait des voitures avec avec des batteries plus grosses, avec des capacités de recharge plus grosses, il aurait dû se marier au superchargeur. » Bref, on se retrouve exactement, et j'insiste, exactement avec la même guerre entre les amateurs de Tesla et les amateurs de voitures électriques qu'on se retrouvait il y a un an entre les gens qui mettaient en doute les voitures électriques et les gens qui mettaient en doute la Tesla. Oui, c'est un fait. Tu as le même genre d'argument, tu as le même genre de commentaire, un peu, à la limite, pas haineux, mais pas gentil, disons, des partisans de Tesla. Alors, il est en train de se faire une guerre interne entre les amateurs de voitures électriques et les amateurs de Tesla. Oui, mais ça c'est... C'est un peu comme la guerre entre les amateurs de Apple puis les amateurs de Google puis les téléphones Android puis les produits Apple. Apple, c'est une marque qui offre une certaine visibilité. C'est comme ça donne un certain statut. Les gens aiment Apple. Les gens s'identifient à Apple. Tesla, c'est la même chose. Tesla, c'est le Apple du monde de l'automobile. La différence, là, c'est que je suis capable de tenir dans mes mains un iPhone 7 et que j'attends toujours la clé d'un modèle 3. Oui, c'est sûr et certain. la chose que les gens aussi de Tesla, peut-être pas, c'est que Chevrolet va être 2 ans sur le marché probablement avant la modèle 3. Parce que la modèle 3, on l'a annoncé, là, mais il n'y en a pas de produit puis ça ne sera pas livré avant quoi, 2018? Ben, on dit l'automne 2017, mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Et bien sûr, on sait toujours pas exactement tout ce qu'elle va contenir parce qu'il y a un paquet de facteurs qui ont été modifiés. On n'avait pas, au moment de l'annonce, on n'avait pas vraiment complété les designs. On n'avait même pas signé les contrats avec tous les fournisseurs et à ma connaissance, c'est toujours pas complété. Ouais, c'est ça. Bref, comme je te dis, la différence entre Apple et Android, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler que je suis capable de tenir dans mes mains les deux téléphones et donc capable de les comparer moi-même, alors que dans le cas de Tesla, c'est strictement une opération marketing et qu'il n'y a aucune preuve pratique physique actuellement que la voiture va effectivement être capable de remplir ses promesses. Ouais, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que Tesla va peut-être même pédaler un peu plus fort pour être certain que quand la 3 va sortir, elle ait 384 km d'autonomie, juste pour être un petit peu au-dessus de GM. Là. Parce que la guerre, faut pas oublier, Marc, aussi, la guerre entre Tesla et GM, ça date de plus longtemps que ça. Parce que je me rappelle dans le temps que Bob Lutz avait annoncé la Volt, puis Elon Musk avait annoncé son Tesla Roadster. Déjà, il y avait une espèce de petite guéguerre entre GM puis Tesla parce que Bob Lutz n'était pas content qu'une petite compagnie comme Tesla soit capable de sortir une voiture qui avait tant d'autonomie. Puis la Volt, c'était supposé être la meilleure chose après le pain tranché. Puis là, t'arrivais avec une compagnie qui sortait une voiture 100% électrique, qui est une compagnie naissante, là. Fait que ça a jamais bien été entre les deux. Fait que c'est sûr que ça va réanimer cette petite guéguerre-là. Là. C'est sûr. C'est sûr. Puis là, ça va être plus qu'une petite guéguerre. Et là où il risque d'avoir un problème, c'est que d'ici à ce que la Tesla Model 3 soit arrivée, ouais. ça se peut qu'il y en ait d'autres. Bon, ouais. Et tu vois, au cours des prochains jours, c'est le salon de l'auto de Paris, le mondial de l'auto de Paris qui commence. Mm-hmm. Et on sait déjà, par exemple, que Mercedes va offrir une nouvelle Smart électrique, va présenter une plateforme de voiture avec plus d'autonomie encore. Ouais. Renault arrive avec une Zoé. On nous dit que la Zoé aura 500 km d'autonomie. Ouais. Puis qui dit Zoé, dit Leaf. Exactement, c'est ce que j'étais pour te dire. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que la Zoé, c'est la cousine très, très, très, très proche, presque incestueuse de la Nissan Leaf? Moi, je dis toujours que la Zoé, c'est la petite cousine cute de la Leaf. Parce qu'elle est plus belle. Mais oui. Oui, pas mal. Ouais. Ouais, moi, dans ce temps-là, je suis toujours le petit gros du beau gars. En tout cas, c'est une autre affaire. J'aime pas les comparaisons de cette nature-là. Mais bref, alors tout ça pour dire que finalement, le développement des voitures électriques, on est loin d'avoir fini. Et à mon sens, Tesla s'est tiré dans le pied en promettant une voiture dans aussi longtemps, ouais. alors que beaucoup d'autres vont être dans le marché là, vraiment, vraiment sous peu. Là. Bon, oui, on attend Nissan. Le Nissan, ça retarde, là. J'ai l'impression que la Zoé va vraiment marquer le pas. Si effectivement elle fait ses 500 km d'autonomie, ouais. ça, écoute, je pourrais t'envoyer des photos, je vais y être. Faut pas oublier Volkswagen aussi qui a annoncé une panoplie de nouveaux modèles électriques pour se faire pardonner du problème de diesel. 30 modèles d'ici 2025. Ouais. Je vais être franc, je vais commencer par attendre le premier en Amérique. Ouais, ouais. Ben, ouais, on nous a dit que la e-Golf arriverait l'année prochaine, ouais. mais on nous dit aussi qu'au Salon de Paris, justement, et on va nous présenter un modèle tout électrique. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, la e-Golf, c'est trop peu trop tard au Canada. Là. L'autonomie n'est pas là. Oui, ça reste une Golf, ça reste peut-être amusant à conduire, là, mais l'autonomie n'est pas là, là. On parle de moins d'autonomie qu'une Leaf de 2016. Là. Fait que c'est trop tard. Là. C'est bien joué, là, mais il aurait fallu faire ça il y a 2 ans. Mais... Bon. Alors, en résumé, mon cher, la seule affaire que je peux te dire, c'est que je suis très content pour GM. J'ai bien, bien hâte de mettre mes fesses pour vrai dans la Chevrolet Bolt. Ouais. Mais en attendant, si tu permets, on va aller faire une petite pause. Puis au retour de la pause, on va parler de ce qu'on a vraiment essayé cette semaine. Super. Alors, nous sommes de retour et c'est maintenant l'heure de nos essais de la semaine. Marc, tu as essayé quelque chose de, oh ma foi, très intéressant. Une nouvelle petite, ce qu'on appellerait en anglais un hot hatch. Tu as essayé la nouvelle Ford Focus RS. Ouais. Là, je vais te faire une confidence que tu connais déjà. Je me mets au régime. OK. Parce que tu as de la misère à rentrer dans les sièges de la RS, j'imagine? Écoute, les sièges Recaro de la RS offrent un support que j'ai rarement vu dans une voiture de série. OK. Sérieusement, là, ils sont vraiment très, très, très... Bon, ils sont padés, ils te tiennent en place. C'est vraiment fait pour pas que tu bouges. OK. Le problème, c'est comme je suis un peu horizontalement différent... C'est-à-dire que j'ai perdu depuis longtemps ma taille de jeune marié. Évidemment, je m'enfonce, mais c'est pas nécessairement la position la plus confortable. Okay. Je finis. Heureusement, on peut ajuster les supports lombaires, ce qui permet de surélever un peu la position. J'ai fini par trouver une position de conduite qui a été fort agréable et honnêtement, ça valait la peine. Okay. J'ai trippé comme un enfant avec ce véhicule-là. Je continue de le faire d'ailleurs parce que je l'ai encore pour tout le week-end jusqu'à lundi. C'est une auto. Est-ce que j'en ferais ma voiture de tous les jours? La réponse, c'est non. OK, c'est un peu trop. Et c'est vraiment trop extrême. En tout cas, comme position de conduite, comme je dis, peut-être parce que je suis un peu trop gros puis je fais de mal, là. Mais je trouve que c'est vraiment très, très excessif comme position de conduite. Okay. Tu as toujours l'impression d'être en conduite agressive quand tu es au volant de la Focus. J'ai l'impression d'être un pilote de course 24 heures sur 24, là. C'est ça. Okay. Ce qui est agréable, on se cachera pas, là, non, c'est ouais. pas une mauvaise affaire, mais pour la voiture, pour aller conduire fiston à l'école, peut-être que c'est un peu too much. Ouais. T'sais? Puis dans le gros trafic, arrêt, port, c'est peut-être pas le summum non plus. Mais en même temps, c'est écoute, petit moteur 4 cylindres, 2.3 litres turbo, mm-hmm. 350 chevaux, 350 livres pieds de couple, c'est une petite bombe. On appelle ça des pocket rockets. Ouais, ouais, c'est ça. Les fusées de poche, ouais. C'est exactement ça. Jumelé à une boîte manuelle 6 rapports qui sont absolument phénoménaux. Et rouage intégral aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Écoute, cette voiture-là, elle a une particularité. Tu sais, moi, j'ai tendance à être un peu pissou. Je vais être franc, là. Quand je prends des virages un peu trop appuyés, plus je vieillis, plus je considère les risques et plus je suis méfiant quand je prends des virages de cette nature-là. Okay. Or, avec la Focus RS, il n'y a pas de problème. La voiture va exactement là où tu pointes. Elle est parfaitement équilibrée. Elle fait le travail de façon vraiment magistrale. Écoute, sérieusement, là, c'est une voiture qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné à plein de points de vue. Okay. C'est sûr qu'il y a des affaires qui me dérangent. Je vais être fin avec toi, là. Le mode drift, là, mm-hmm. on va se dire les vraies affaires, c'est parfaitement inutile. À part pour faire plaisir à deux, trois douchebags qui vont la rentrer dans un mur quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le genre d'affaires dont t'as pas besoin. C'est exactement comme quand on a mis sur la Mustang le line lock là, pour faire des burns. Oh, ouais, c'est ça. C'est une affirmation macho, on n'en a pas besoin. Si tu veux faire le fou, si tu veux vraiment pousser la voiture à l'extrême, il y a un mode track, vraiment un mode qui est fait pour la piste, et c'est absolument spectaculaire. Ça fait vraiment le travail, c'est incroyable. Et il faut dire que la voiture a été conçue pour être tellement rigide qu'au départ, tu as l'impression de conduire un bloc. Tu sais, tu sens rarement, je te dirais, le fait de te déplacer de sous-virage. Écoute, 23% de plus d'amélioration en rigidité de torsion, des ressorts 35% plus fermes en moyenne. Tu peux régler l'amortissage aussi, l'amortissement manuellement plutôt. Tu as un petit bouton au bout du levier de clignotant là, mm-hmm. qui te permet de changer le mode de tes amortisseurs pour les rendre un peu plus rigides. Bien sûr, tu peux la mettre en mode sport qui est beaucoup moins extrême que le mode track. Oui, j'imagine. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est vraiment incroyable. Et tu peux changer. Comme je te disais, tu as quatre modes, le mode normal, le mode sport, le mode track et le mode drift. Évidemment, ça modifie différents réglages, là, amortisseur, le transfert de le rouage intégral. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu le mets en mode drift, par exemple, il va réagir un peu plus comme une propulsion. Donc, ça élimine littéralement le système anti-patinage. Ouais. Ça donne encore plus de puissance aux roues arrière. Donc, évidemment, tu es capable de faire là, vraiment des dérapages contrôlés. Contrôlés, c'est relatif. Il faut quand même que tu saches ce que tu fais. C'est pas à la portée de tout le monde. Non, ouais, c'est pas un jeu vidéo. Il faut savoir un petit peu comment maîtriser une voiture avant de se lancer là-dedans. C'est pas parce qu'il y a un mode drift que c'est le mode facile. Là. Non, effectivement. Et par contre, il faut vraiment parler là, tout ce qui est le contrôle de vectoriel du couple quand tu fais vraiment des virages appuyés, écoute, c'est fabuleux. Honnêtement, si j'étais sur une piste, si j'étais un gars de piste de course, je te dirais, il n'y a pas beaucoup de défauts à cette voiture-là. Pour la route, c'est super le fun, j'adore ça, je me fais envoyer des thumbs up par tout le monde que je rencontre parce qu'elle est d'un bleu minimum flash. Ouais. Ben c'est le bleu que Ford avait mis de l'avant là, pour la Mustang GT350 puis le Ford Raptor, ouais. Tout ça, là, c'est l'espèce de bleu foncé, là. Non, c'est un bleu royal. Bleu royal, ok. Il y avait l'air. Non, c'est bleu, genre tu passes au soleil puis les yeux te plissent là. Ok. C'est à la limite plus bleu néon là. Ok. Le grabber bleu peut-être l'ancienne qu'il y avait sur la Mustang avant. Ouais, genre exactement. Bleu bonbon un peu. Ok. C'est ça, exactement. Ah, c'est extrêmement, c'est dur à manquer. Gros aileron évidemment parce que du point de vue aérodynamique, la RS aussi profite de plusieurs réglages différents. Bon, les roues, tout est absolument. Tu sais, c'est une voiture qui a une personnalité. Quand tu la regardes, tu vois vraiment cette voiture-là et c'est spectaculaire. Okay. Problème, écoute, comme je te dis, est-ce que je la prendrais pour tous les jours? Elle est bien équipée. Rien de spectaculaire parce que c'est pas le but pour ça. On a vraiment voulu en faire une voiture de performance qu'on peut utiliser sur la route. Est-ce que moi, je le ferais? Pas nécessairement. Est-ce que j'ai envie de payer 45 000? Pas nécessairement. Et de toute façon, même si j'avais envie, je te le dis tout de suite, tous les modèles 2016 sont déjà écoulés partout. On a dépassé largement la capacité de commande. Donc, on est déjà au modèle 2017. Alors, écoute, est-ce que j'ai eu du fun? Totalement. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais pour 16 000 piastres de plus que la Focus ST, peut-être que mon côté papère se tournerait vers la ST, mais c'est une expérience que, honnêtement, j'ai adorée. Il faut le faire une fois dans sa vie et je l'ai fait. Ouais. Je peux dire que j'ai conduit la Focus RS. Ben, c'est un peu comme on disait que la Golf R, tu sais, une GTI avec une traction intégrale serait probablement suffisante pour la majorité du monde, mais ben, une Focus ST avec une traction intégrale serait probablement suffisant pour la majorité du monde aussi. Exactement, puis honnêtement, même la Golf R est beaucoup plus civilisée que la Focus RS. Ouais, mais elle a beaucoup, elle a moins de puissance, elle a quasiment 100 HP. Mais je te parle de l'ensemble. Ouais. Les suspensions, la direction, tout ça, elle est plus civilisée que la Focus RS, qui est pas, à mon sens, une voiture de tous les jours. Même si, oui, t'as des affaires comme un écran tactile, puis le système My Ford, le 5.3, là, puis mm-hmm. tout ça, là, t'as okay. tout ça, mais je sais pas, c'est comme beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Alors, c'est vraiment une expérience. Il faut le faire une fois dans sa vie. Ouais. Je pourrais dire que je l'ai fait. Est-ce que je m'en achèterais une? Pas nécessairement, mais c'est pas parce que c'est une mauvaise voiture. C'est juste parce que c'est trop de voitures pour ce que moi, j'ai besoin. C'est presque mettre ton permis de conduire en péril à chaque jour. Il y a un petit peu de ça aussi. Ouais. Toi, mon cher, t'as essayé de quelque chose d'un peu plus sage quand même. Oui, moi j'ai essayé la Chevrolet Malibu hybride, la nouvelle Malibu en version hybride. Là, ce que la Malibu, c'est rare que je mets autant de kilométrage sur une voiture que ça. J'avais un voyage à faire à Toronto pour le travail, donc ma job de jour, comme on peut dire. Donc j'ai fait Montréal-Toronto aller-retour avec la Malibu. Et je dois avouer que j'ai été très, très agréablement surpris par cette voiture-là. La Malibu qui est un peu boudée dans cette catégorie-là. Hein. Tout le monde pense au Sonata, au Optima, puis aux autres voitures, là, au Ford Fusion. Puis la Malibu est toujours comme un petit peu oubliée, un petit peu comme de bonne dernière sur la liste de magasinage des gens. Là. Mais je dois avouer que c'est une voiture qui était extrêmement confortable. Marc, tu l'as roulé, toi, au lancement de presse. Puis je pense que tu l'avais bien aimé. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'insonorisation de cette voiture-là. Comment on entend presque rien de ce qui vient de l'intérieur quand on roule sur l'autoroute à des vitesses quand même 100, 110 km/h, 120 km/h. Tu le sais comme moi. Montrer à Toronto, si tu roules à 100, tu vas te faire dépasser à gauche, à droite, puis par-dessus. Là, c'est presque impossible de rouler à vitesse limite. Donc, on roule toujours 110, 115, 120. Je mettais le régulateur de vitesse à 115, puis j'ai monté à Toronto. Très, très confortable comme voiture, silencieux. L'intérieur est joli. Moi, j'avais la version hybride, mais de base, donc avec tissu et non pas cuir. Je pense que c'est bien correct. Ils ont même été jusqu'à ajouter du tissu dans le tableau de bord, ce qui devrait être du cuir si vous prenez un modèle cuir. Mais quand on regarde le modèle cuir, ça montre le modèle de presque 5 000 $ parce que là, on a tous les systèmes d'aide à conduite et tout ça qui viennent avec. Là. Donc, ça commence à faire une facture assez élevée. Moi, le modèle que j'ai essayé, là, c'est environ 31 000 $. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous dis tout de suite, j'ai mis au total 1352,7 km dessus. J'avais averti notre ami de chez GM avant que si c'était correct, j'allais à Toronto avec, il m'avait dit oui, donc pas de surprise en revenant. Ouais, t'es supposé mettre comme 500 dessus, t'en as mis comme presque le triple, mais puis j'ai une moyenne de consommation de 5,5 litres aux 100 km pour mon trajet là. Fait que c'est vraiment excellent. J'ai presque fait l'aller-retour Montréal-Toronto sur un tank à gaz. J'ai fait 900 km, je pense, avec un réservoir. Là, si je regarde, j'avais pris une photo. Là. J'ai 900 km de fait sur une tank. Je pense 969 km de fait sur une tank. C'est vraiment excellent parce que moi, je te dis, j'ai pas essayé la version hybride. Okay. J'avais essayé la version à essence, la première, la plus haute gamme. Et honnêtement, c'était une voiture qui m'a impressionné justement pour sa douceur de conduite. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais la hybride, écoute, je suis impressionné aussi de la distance que tu as pu parcourir. Tu 963,7 km d'autonomie. Puis j'ai toujours eu mon 5.5. J'ai descendu, je pense, à 5.3, 5.4 de moyenne. Puis j'ai terminé à 5.5. Puis quand j'ai mis de l'essence, quelque part passé Kingston en revenant, parce que la voiture me disait, bon, tu sais, j'étais toujours en train d'étirer, tu sais, parce que tu regardes, puis tu dis, ah, OK, bon, j'ai encore 77 km d'autonomie. Tu regardes, parce que en revenant en Ontario, t'as des rest area, t'as des stops. Ouais. Puis c'est tout Canadian Tire. Puis là, tu peux arrêter manger puis mettre de l'essence. Puis là, c'est de marquer, bon, voici le présent arrêt. Le prochain est dans 33 km, mettons. Là, je regardais, hein, il me reste 77 km d'autonomie d'essence selon l'ordinateur. Fait que je vais continuer, je vais aller jusqu'au prochain. Puis à un moment donné, rendu à 75 km d'autonomie, il te dit niveau d'essence bas et ton chiffre devient des petits points. Oui. Donc, Mais ça, c'est le cas de beaucoup de véhicules. Hein. Ouais, mais là, t'es comme plus sûr de ton coup. Donc, j'ai décidé de pas attendre le prochain stop sur l'autoroute. J'ai sorti dans une ville, puis je suis allé mettre de l'essence, puis je suis revenu. Donc, mais vraiment, j'ai été impressionné. 963 km sur un plein d'essence, là, j'avais pas vraiment vu ça auparavant. Puis, tu sais, dans un confort vraiment, vraiment total, là, j'aurais pu faire plus que ça. Jamais je me suis senti fatigué, jamais je me suis dit... Ouais, faudrait que j'arrête prendre une pause, tu sais. Non, j'ai vraiment roulé tout le long. J'arrêtais pour manger, un petit arrêt salle de bain à un moment donné, puis on repart. C'est vraiment une voiture qui est extrêmement confortable, hyper spacieuse. Quand même si c'est l'hybride, beaucoup d'espace dans le coffre. J'étais vraiment agréablement surpris. Donc, si vous êtes sur le marché pour une petite voiture, pour une berline intermédiaire, là, je vous dirais, mettez pas la Malibu de côté. Allez la voir, allez l'essayer, parce que vraiment, ça, comme tu disais, Marc, la douceur de roulement, l'insonorisation est vraiment incroyable. Là. On n'entend pas tous les bruits de l'extérieur, on n'entend pas les bruits de roulement. Souvent, on va entendre les bruits des pneus puis des choses comme ça. C'est vraiment hyper silencieux dans l'habitacle. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. Donc, c'est vraiment une excellente voiture. J'ai été agréablement surpris. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et il faut parler prix aussi, parce que on en a beaucoup pour le prix, je trouve, par rapport à ce qu'était la désormais célèbre et un peu ennuyeuse Malibu d'ancienne génération. Oui, mais quoi que la Malibu d'ancienne génération, quand elle avait été redessinée, avait quand même fait bonne impression. Puis là, ben tranquillement, peut-être que je sais pas si GM l'a traîné trop longtemps, le modèle, puis ça s'est essoufflé, puis c'est devenu comme le spécial du centre de location. Mais ben, c'est surtout que comme c'était des flottes de location essentiellement qui achetaient ces voitures-là, ouais, ça avait un peu moins d'intérêt pour tout le monde. C'est ça. Mais la nouvelle, là, est vraiment jolie, est confortable à l'intérieur. Je vous dirais, boudez-la pas, allez faire un tour, puis allez l'essayer. Puis peut-être qu'elle va vous impressionner, parce que moi, j'étais vraiment, comme je disais, agréablement surpris. Je savais que je la détesterais pas, mais je pensais pas l'aimer tant que ça. Puis vraiment, là, 1300 km sur une voiture, faut qu'elle soit intéressante là, pour que ça soit confortable tout le long. Puis jamais, jamais je me suis senti fatigué dans cette voiture-là. Ça a été vraiment bien. Puis en plus, je suis monté à Toronto, j'étais malade. Donc, pour que je sois capable de tolérer 600 km pour y aller à peu près, sans avoir arrêté, en étant dans l'état que j'étais quand je suis monté là-bas, là, faut que ça soit impressionnant. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec la chronique Assurance avec notre ami Benoît Campeau. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure de la chronique Assurance avec notre spécialiste Benoît Campeau. Salut Benoît. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien, merci. Ce soir, tu veux nous parler de voitures gravement accidentées ou voitures déclarées perte totale. Ben oui, écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous parlais de délit de fuite. J'ai décidé d'augmenter le cran de sévérité un peu. Ouais. On est rendu à la perte totale. Essayer de démystifier un petit peu quelle est la différence entre différents types de pertes totales, quoi faire lors du règlement, puis justement, là, comment être prêt à discuter, à négocier avec l'assureur rendu au règlement final. OK, c'est bon. Donc, le concept est simple. OK? Si on y va du fait de la perte totale, il y a deux manières de déclarer une voiture perte totale selon le point de vue de l'assureur. Le premier, c'est dans la situation où les dommages sont à minimum 80% de la valeur au jour du sinistre du véhicule. Okay. Donc, pour faire ça simple, une voiture qui vaut 10 000 $ a 8 000 $ de dommages et plus, l'assureur va déclarer la voiture perte totale. Okay. Ça ne vaut pas la peine de la réparer, les dommages sont trop importants. Exactement. Pour plusieurs raisons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle officielle écrite à ce niveau-là, parce que c'est à la discrétion de l'assureur. Okay. Je te donne un exemple fort simple. Si on est rendu à 8 000 $ de dommages sur une voiture qui en vaut 10 000, bien, les possibilités d'avoir des dommages supplémentaires lors du démantèlement du véhicule peuvent survenir. Donc, ils se disent, bien, rendu là, on ne prendra pas de chance, on déclare le véhicule perte totale. Okay. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième situation où un véhicule peut être déclaré perte totale, c'est dans la situation où on a des dommages très graves, des dommages structurels ou des dommages qui vont mettre la sécurité du véhicule, l'intégralité du véhicule en jeu. Okay. Donc, on va avoir un exemple bien simple. Le véhicule peut s'être fait rentrer dedans sur le côté. Le châssis est gravement endommagé. Donc là, on ne parle plus de réparer une porte, un pare-brise, quelques pièces comme ça. C'est vraiment le châssis qui est affecté dans son intégralité. Donc, à ce moment-là, l'assureur ne prendra pas de chance. En même temps, c'est pour la sécurité du propriétaire du véhicule. Ouais. Donc, ne prendra pas de chance, va dire, bon, ben ce véhicule-là est perte totale. Okay. C'est bon. Maintenant, quoi faire dans ces situations-là? Dans la première situation, le véhicule est déclaré perte totale à cause du montant des dommages. C'est pas rare qu'on puisse voir une voiture qui vaut 2-3 000 $ être déclarée perte totale parce que ça va quand même assez rapidement. Hein? Un pare-choc, un aile à peinturer, à remplacer, on a déjà 1 500-2 000 $ de fait. Non, c'est clair. Regarde les dommages qu'il y a eu sur ma Nissan Leaf. Il n'y avait pas grand-chose, puis ça a coûté 1 500 $. T'sais. Exact. Oui, ça monte vite, là. Fait qu'on se met dans la situation où le véhicule vaut 2 000-3 000 $, puis tu as 1 500 à 2 000 $ de dommages, ben automatiquement, l'assureur va dire ben c'est une perte totale. Okay. Il existe une option, puis ça, je vais me faire probablement pitcher des roches, si tu me permets l'expression, par certains assureurs. C'est qu'on dit ben écoute, mon véhicule, oui, est déclaré perte totale selon vos critères, selon vos specs, mais dans les faits, moi, je peux le faire réparer chez mon carrossier pour probablement moins que ce que vous dites, que ce que ça coûte. Donc, à ce moment-là, il y a l'option de dire ben, à l'assureur, donne-moi combien ça coûte pour réparer le véhicule ou le maximum que tu es prêt à me donner et je vais garder mon véhicule. Okay. Okay? Donc, on parle encore là, on parle de dommages esthétiques, on ne parle pas de structure, on ne parle pas de coussins gonflables, des éléments de sécurité. Là. On parle vraiment de dommages esthétiques. L'assureur, dans certaines situations, va dire, c'est bon, je te laisse mon véhicule. En échange, moi, je vais enlever la valeur de récupération de ta voiture. Parce que même si elle est déclarée perte totale, elle demeure qu'elle a une valeur comme véhicule en pièces détachées. OK. Oui, oui, oui. Okay. Okay? Donc, ça, pour cette option-là, le véhicule n'est pas déclaré véhicule gravement accidenté, ce qu'on entend souvent sur nos immatriculations, BGA. Oui. OK. Donc, le véhicule n'a pas besoin de repasser une inspection auprès de la SAC, n'a pas besoin d'être passé parmi tous les critères pour être remis sur la route. On parle de dommages esthétiques et l'assureur va être consentant à ça. Okay. L'autre situation, on parle de dommages importants, majeurs, structures. Là, l'assureur va dire, tu conserves pas ton véhicule, on va mettre le statut de véhicule gravement accidenté. Ce que ça veut dire, c'est que le véhicule peut être réparé, mais devra passer une inspection auprès de la SAAQ, à savoir que tous les éléments de sécurité sont présents et que le véhicule est sain. La réparation, elle est faite sainement. Okay. OK, c'est bon. Ouais. Donc ça, généralement, c'est les véhicules qui vont être vendus dans des encans et achetés par des carrossiers. Oui, oui. On va voir aussi, il y a des compagnies, il y a certains commerçants qui font leur business, c'est ça, c'est de vendre des voitures qui sont déclarées VGA. Tu en vois un peu partout sur les sites de vente automobile de temps en temps. Là. Exactement, exactement. Maintenant, là, le véhicule est déclaré perte totale. On s'est entendu avec l'assureur que l'assureur pouvait le conserver à cause du montant des dommages. On est rendu à la portion de la négociation. Pourquoi okay. J'appelle ça négociation? Parce que le règlement d'un véhicule, encore là, certains assureurs vont m'en vouloir, mais ça reste ça quand même. Ça demeure une question d'opinion. Donc, le meilleur moyen, le meilleur conseil que je peux dire aux gens qui nous écoutent actuellement, c'est aussitôt que votre véhicule est déclaré perte totale, attendez pas que l'assureur vous appelle pour vous dire, ben voici, je te donne ça pour ton véhicule. Parce qu'à partir du moment où ils vous font une offre, n'oubliez pas qu'ils vous retirent la voiture de location qu'ils vous ont prêtée. Okay. Donc, il faut être rapide là. Donc, aussitôt que vous avez l'information à l'effet que votre véhicule est déclaré perte totale, ce que vous devriez faire, c'est d'aller sur les sites comme Kijiji, Auto Hebdo, Auto 123. Essayez de trouver un véhicule le plus similaire possible au vôtre. Okay. En termes de kilométrage, ces choses-là. Okay. Et voilà. Donc, à partir de là, on fait une moyenne. On enlève le plus cher, on enlève le moins cher, on fait une moyenne de tout ça. Donc, quand l'assureur va vous appeler pour vous offrir un règlement, vous allez déjà avoir une idée de combien vaut votre véhicule réellement. Okay. À ce moment-là, l'assureur vous fait l'offre. Si ça rentre dans les prix que vous avez, ben, à ce moment-là, entendez-vous avec, faites le règlement et on y va de l'avant. Ouais. Par contre, si vous voyez qu'il y a une différence entre les deux, ben, c'est à partir de là où vous présentez ce qu'on appelle vos comparables. Okay. Vous dites, ben, voici, moi, j'ai trouvé un concessionnaire Nissan qui vend une Leaf, pareil comme la mienne, kilométrage identique ou très similaire, qui demande X prix. Ben, à ce moment-là, c'est pas justifiable que tu me donnes un montant qui est inférieur. On s'entend, hein, les assureurs vont pas toujours vous donner un montant inférieur. Ils font le mieux possible pour vous donner ce que votre véhicule vaut. Mais encore là, c'est comme je disais tantôt, c'est une question d'opinion et de négociation. C'est ça. Un assureur, comme n'importe quel commerce, est là pour faire de l'argent. Fait que c'est sûr qu'ils te donneront pas plus que ce que ta voiture vaut. Ils vont essayer de trouver un juste milieu, là. Mais c'est possible qu'ils vous offrent plus bas parce que les recherches qu'ils ont faites pour eux autres, la voiture vaut plus bas. Ou ils vont regarder quoi, le Black Book ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils vont vraiment sur les sites, un assureur, non. Ou ils vont vraiment checker le Black Book et ça va être tout? Les livres sont de moins en moins utilisés maintenant, okay. Du fait de la disponibilité du marché. C'est un point de repère, mais c'est pas l'élément qui va être utilisé pour faire le règlement du véhicule. OK. Bon, c'est vrai que ça bouge vite. Donc, un livre physique, c'est statique, tandis que sur Internet, ben, t'es capable d'avoir le montant de la voiture le jour même. Là, oui, puis il ne faut pas oublier qu'on prend par exemple un véhicule convertible, il ne se vendra pas le même prix en été qu'en hiver. OK, ouais. C'est un exemple. Donc, le Black Book ou le guide hebdo maintenant, qui est souvent utilisé, ne tiendra pas compte de l'offre et la demande pour un certain véhicule. Okay. Donc, c'est pour ça que la meilleure outil à utiliser, c'est l'Internet. OK, c'est bon. C'est simple comme ça. Dernière chose, si votre véhicule est déclaré irrécupérable, ben oubliez ça, faites une croix dessus, ce véhicule-là est pas... En fait, s'il est irrécupérable, vous êtes chanceux d'être encore vivant probablement. OK. Parce que le véhicule va avoir atteint un niveau de dommage tellement élevé que même les pièces maîtresses du véhicule ne sont pas récupérables pour être vendues. Donc, ça, c'est le dernier élément qu'on voit très rarement, mais ça peut se produire aussi. Donc, ce qui est important à retenir dans tout ça, plutôt que votre véhicule est déclaré perte totale, vous entrez en mode recherche de comparatif. Puis c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir un règlement équitable et rapide. OK. Mais les assureurs sont ouverts à négociation. Ça veut dire, si, mettons, ils m'offrent 6 000 pour la voiture, puis je m'aperçois que le prix médian pour ce que ma voiture vaut sur le marché, c'est 8 000, sont prêts à augmenter ou c'est vraiment une bataille de capable de l'avoir ou sont quand même moyennement ouvert, c'est comment normalement? Ben, je te dirais qu'il y a une ouverture. Encore là, je prêche pour ma paroisse, le meilleur outil que vous pouvez avoir dans votre camp, c'est votre courtier. Okay. Parce que lui, son travail, c'est de travailler pour vous. Écoute, j'ai pour une cliente qui a subi une perte totale dernièrement, j'ai réussi à y obtenir un peu plus de 1 000 $ de plus pour son véhicule. Du fait que c'est un assureur que je connais, c'est un assureur avec qui je transige régulièrement. Puis ça, ben, ça met du poids dans la balance. OK. Fait que alors que quand on fait face à un assureur, quand on fait face à un assureur régulier, sans intermédiaire comme courtier, ben c'est un petit peu David contre Goliath. Ouais, c'est vous autres qui êtes pris pour se battre. Puis juste dernière chose comme ça, là, si vous trouvez des comparables, puis l'assureur vous offre plus pour votre voiture que le comparable, vous dites rien. C'est certain. On dit merci beaucoup et on souhaite une excellente journée. C'est ça, on raccroche, on dit merci puis on va sabler le champagne. Exactement. Super, Benoît. Donc, c'est parfait. Si les gens... As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Ou... Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que si les gens qui nous écoutent ont des questions là-dessus, ben, je les invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de leur donner plus d'explications. OK. Puis s'ils veulent faire ça, ils font ça comment? On a 3 méthodes. Par téléphone, 450-973-9178. Par courriel, benoit.campo@assurexpert.qc.ca et mon site web assurexpertcampo.ca. Super. Merci encore, puis on se reparle une prochaine fois. Merci, Luc. Bye. Salut. Alors, on fait une petite pause, puis on revient avec Marc pour le bloc nouvelles. Alors, nous sommes de retour et c'est maintenant l'heure du dernier bloc de l'émission, le bloc nouvelles. Marc, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'automobile cette semaine? Écoute, il se passe pas mal de choses, d'autant plus que dans quelques jours, c'est le Salon de l'Auto de Paris. Oui. Et comme d'habitude, avant Paris, on nous dévoile toujours plein de trucs. Dans certains cas, ce sont les voitures complètes. Dans d'autres cas, ce sont des teasers, là, des éléments de voitures qui vont nous donner une indication sur ce qui s'en vient. Genre un phare. Genre un phare arrière, dans le cas de la Audi Q5. Ouais. Excusez, si vous regardez les photos, vous allez voir uniquement une espèce de portion à l'arrière avec l'étiquette Audi Q5. On n'a pas idée de ce que ça aura l'air. Bien sûr, on l'attend avec beaucoup d'impatience parce que c'est un véhicule qui est très populaire. Véhicule qui va être vendu au niveau mondial, on en a hâte. Parmi celles qu'on a vues cependant, il y en a une qui a retenu l'attention. On l'avait déjà vue Et là, elle est sortie pour vrai, c'est la Honda Civic Hatchback. Ouais. Pourquoi on en reparle? Parce que là, vraiment, on nous a montré dans tous les détails cette voiture-là qui va arriver un peu plus tard au cours de l'année. Bien sûr, c'est une voiture qui est bâtie sur la 10e génération de la Civic, donc avec le nouveau look de la Civic, et ça, Dieu sait que c'est la bonne nouvelle de la journée parce que l'ancienne... mettons qu'en partie... Ça s'en venait souffler un petit peu. Ben, à partir de 2012, ils se sont plantés avec leur Civic. Là. Quand ils l'ont renouvelé, là, ils ont vraiment, vraiment manqué leur coup. Ils ont essayé de réchapper l'année suivante, mais ça n'a pas marché. Donc, bref, là, on arrive vraiment avec une voiture qui est vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée et qui fait un beau travail. 4,5 mètres de longueur, c'est une voiture qui est 130 mm de plus que la standard, 30 mm de plus en largeur que l'ancienne génération, 478 litres de capacité de charge, c'est intéressant. 16 kg de moins, ça aussi, c'est généralement intéressant parce que ça permet des meilleures consommations de carburant et un petit peu plus de performance. D'autant que sous le capot, 4 cylindres 1,5 litres turbo qu'on connaît déjà, qui est déjà disponible chez nous avec ses 174 chevaux. Boîte automatique à variation continue. Pour le moment, on nous dit que ce sera la seule qui va être disponible en Amérique. Ouais. Donc, c'est ce qui s'en vient. Honnêtement, on l'a vu, mais regardez les photos. Moi, j'aime beaucoup. J'ai toujours été un fan des Civic Hatchback. Ouais, moi aussi. J'en ai une. Ouais, non, pas moi quand même. Là, ouais. J'en ai une étant jeune. Ça a été ma première voiture que je me suis payée avec mon argent. Oh, attention, on ne rit plus. Ouais. Alors, évidemment, ça fait partie donc des véhicules qui vont être à surveiller et qui vont arriver bientôt. Les photos que vous allez voir, si vous allez par exemple sur le site Écolo Auto, on en a parlé cette semaine, ou Auto Féminin, j'ai mis des photos. Les photos qu'il y a là sont exactement celles de la voiture. La différence, c'est que c'est une voiture européenne. Ouais. Écoute, honnêtement, là, même si tu me payais, j'aurais pas été capable de faire la nuance. La différence, en fait, c'est la couleur des phares. Chez nous, les clignotants doivent être de couleur ambre. En Europe, c'est pas obligatoire. OK. Fait qu'ils peuvent mettre des couleurs qu'ils veulent. OK. Ouais. La seule nuance. Le reste, c'est exactement la même voiture qu'on va avoir chez nous bientôt. Ouais. Ce qui est juste dommage, puis juste un petit segway, là, c'est qu'on était supposé l'avoir pour le Festival des essais, le Test Fest de l'Ajac au mois d'octobre, puis Honda a retiré la Civic Hatchback parce qu'elle ne sera pas prête. Il y a aussi, parce qu'on avait parlé, je veux juste mentionner, là, on avait parlé de toutes les voitures. Il y a aussi la Lincoln Continental qui ne sera pas là, puis la Kia Cadenza qui ne sera pas là non plus. C'est juste, effectivement, juste pour revenir là-dessus. Là. C'est bon. Ouais, le test fait, on est rendu à 34 véhicules. Honnêtement, là, ça commence à devenir un peu plus problématique. Mais ça, c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas m'aventurer aujourd'hui. C'est bon. Dans la série des dévoilements aussi intéressants, hier, c'est-à-dire la journée de l'équinoxe d'automne, GM a dévoilé son nouveau Chevrolet Equinox 2018. Bon. Tu parles d'une belle campagne de marketing. Ouais, puis écoute, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait même invité des journalistes à Chicago en ne leur disant pas ce qu'il allait dévoiler. Ah, OK. Donc, c'était un véhicule unique et on disait pas ce que c'était. C'est donc le Chevrolet Equinox. Évidemment, sans surprise, on l'a redessiné. Il ressemble à s'y méprendre au Chevrolet Cruze et autres véhicules de GM là, avec la partie avant modifiée. On a parlé de la Malibu un peu plus tôt. Mm-hmm. On est très, très, très, très proche par an. En termes de dimensions, on est pas mal dans ce que les dimensions proposaient. Mais il y a des nouveautés fort intéressantes. Entre autres, le Chevrolet Equinox va être le premier véhicule de GM à n'avoir que des moteurs turbo disponibles. Ah, OK. Il n'y aura plus de moteurs réguliers aspiration, atmosphérique plutôt. C'est strictement des moteurs turbo. J'imagine toutes des 4 cylindres. Moteur 1,5 et 2 litres, effectivement, qui vont être jumelés à une boîte de vitesse 9 rapports. Okay. Et un moteur turbo diesel de 2 litres, de 1,6 litres plutôt, qui fait 136 chevaux. C'est pas beaucoup, mais 236 livres-pieds de couple. Ouais, c'est la beauté du diesel. Effectivement. Alors donc, on aura un moteur diesel sur l'Equinox. Les autres, ben, comme on dit, on les connaît, là, un petit moteur là, de 170 et l'autre de 252 chevaux. Quand même, facteur intéressant, le moteur 2 litres qui a 250 chevaux, 260 livres-pieds de couple et est capable de remorquer 1585 kilos, c'est-à-dire un peu plus de 3000 livres. Presque 3500 livres. C'est quand même intéressant pour un véhicule comme l'Equinox qui, pour le rappeler, est un multisegment utilitaire sport, appelle ça comme tu voudras. Ouais. Et on a aussi modifié l'intérieur considérablement. Bien sûr, on a ajouté là tous les gadgets de technologie, là, aide au freinage, tu sais, le maintien en voie, avertisseur de changement de voie, avertisseur d'angle mort et tout ça. Ouais, ouais. Et on a bien entendu mis le système de rappel que tu as laissé quelque chose sur le siège arrière. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a sur le GMC Acadia, par exemple? Le moteur turbo, le moteur diesel, j'imagine, c'est le même plaque rouge? Ben, en fait, probablement. C'est le 1.6 4 cylindres. Ouais, là, il me de semble que c'est le même Jean-François qui est utilisé dans le Cruze. Je ne sais pas si la nouvelle Cruze, il y a une version diesel, j'ai pas regardé. Je sais que Pas encore. l'ancienne en avait un, mais C'est j'imagine ça. qu'on utilise le même moteur. C'est bon. Ben, ça devrait être le Ouais. même moteur, mais en fait, là, c'est un nouveau moteur. Donc, on ne l'a pas encore mis Ouais. OK. sous le... Sous le capot de quelque Fait chose. qu'on, c'est ça, on verra ce que ça va donner là, à ce moment-là. Pour le moment, en tout cas, on anticipe que ça va se retrouver sous la croûte. C'est drôle de quand même de voir que GM est pas frileux de mettre un moteur diesel dans un véhicule quand que les diesels sont comme pointés du doigt depuis un bout de temps. Chapeau. Oui, mais on verra ce que ça va donner, là. Oh, ouais. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a de la place pour ça, puis c'est là qu'on en est rendu. C'est bon. Autre détail, dans la série justement, des affaires que l'on oublie sur le siège en arrière, il y a Tesla qui a mis à jour son fameux système autopilote, là, la version 8.0, OK. au cours des derniers jours, là, qui modifie un peu la façon dont c'est fait. Essentiellement, au niveau de l'autopilote, ce que ça fait, c'est que dans les voitures, il y a un radar et une caméra. Avant, pour que la voiture réagisse, il fallait qu'à la fois le radar et la caméra détectent un objet. Maintenant, quand le radar va l'avoir détecté seul, il va être en mesure d'intervenir. OK. Ça, c'est le gros changement, ce qui n'est pas particulièrement spectaculaire comme changement, on va le dire, là. De ce point de vue-là, je trouve que Ford, par exemple, est plus avancé avec le LIDAR, là, qui permet la détection avec laser et lumière et tout. Mais là où on a appris quelque chose qu'on ne savait pas, c'est que Tesla a aussi mis dans son système 8.0 un système pour les enfants oubliés Ah. ou les animaux oubliés. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu le sais, la plupart des voitures électriques, on est capable d'activer la climatisation à distance quand elles sont branchées, entre autres. Non, ouais. Donc, c'est, ma foi, plutôt intéressant. Dans ce cas-ci, on a mis un système de détection automatique qui va fonctionner sur la batterie. On n'est même pas obligé d'être branché. C'est-à-dire que même quand la voiture va être éteinte, le système de logiciel va détecter qu'il y a quelque chose à l'intérieur et va garder la température dans l'habitacle à un certain degré. Pour le moment, c'est 40 degrés Celsius, 105 Fahrenheit. C'est encore assez chaud. Ouais. Ça ne permettra pas, mettons que les enfants et les animaux qui sont laissés dans la voiture n'en mourraient pas, mais s'ils n'ont pas accès à de l'eau, ils risquent d'avoir pas mal de difficultés quand même. Or, ce que M. Musk dit, c'est que déjà dans la version 8.1 qui va arriver bientôt, on va permettre de moduler ça. Donc, de déterminer à quelle température tu veux le laisser si jamais le cas se produit. OK. Donc, tu pourrais, par exemple, le mettre à 22 degrés et à ce moment-là, ce serait tempéré pour tout le monde. Ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'énergie sur ta batterie. On dit que ça fait perdre à peu près 20 à 25 km d'autonomie au bout d'une journée de fonctionnement. Donc, c'est pas majeur comme intervention sur la batterie, Ouais. mais ça permet évidemment d'aider ce qui se passe. Écoute, je trouve que c'est une bonne idée. Faut que je l'admette, là. Je suis pas toujours d'accord avec les innovations de Tesla, mais celle-là, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un peu ce que Prius avait fait avec son toit solaire, tu te rappelleras. On était capable à ce moment-là de faire fonctionner la climatisation uniquement sur la batterie. Mais là, c'est la détection de l'objet à l'intérieur et le maintien de la température qui est vraiment exceptionnel dans ce cas-là. Mais il n'y a pas d'avertissement comme quoi que tu as oublié quelque chose à l'intérieur, un peu comme GM fait? Ben non, pour le moment, ça semble pas faire partie. OK. En tout cas, moi, j'aurais aimé mieux qu'il y ait une alerte, là. Ben, ou les deux, Mais tu sais, parce que ça serait le fun qu'ils t'avertissent que tu as oublié quelque chose. Parce que si c'est tu ça. oublies, je sais pas, moi, si tu oublies une boîte en arrière, puis la boîte fait une pression sur le détection de quelque chose de passager sur le siège, puis ta climatisation marche toute la journée pour garder ta boîte au frais, ben, tu sais, ça sert pas à grand-chose. Ben, Effectivement. Mais n'empêche que comme ça te coûte à peu près 20 km d'autonomie, c'est peut-être mieux de refroidir pour rien que de laisser réchauffer. Ouais, c'est sûr que de toute façon, dans une Tesla, c'est moins pire 25 km d'autonomie que dans, mettons, une Leaf ou t'sais, une Sûr Imiev, que là. C'est moins dans une critique. Miniev, Ouais. tu peux pas rien oublier en arrière parce que bon. Bon, ouais, c'est une boîte carrée. Fait que... C'est ça. C'est ça. Alors, rapidement, rapidement, parce que le temps s'achève, là, il nous reste 2, 3 minutes à peine à l'émission. On va parler du salon de Paris. Pourquoi? Parce que Paris, bien sûr, il y aura beaucoup, beaucoup de dévoilements. On avait déjà parlé du Audi Q5. Il y a Mitsubishi qui va arriver avec un concept qui s'appelle le GT PHEV, c'est-à-dire un Grand Tourer, donc un autre utilitaire sport branchable. Configuration à triple moteur, soit deux moteurs électriques et un moteur à combustion interne, on dit que tu es bon pour une autonomie de 120 km en mode 100% électrique, mm-hmm. 1200 km au total. Ouais. La particularité, un, outre le fait que le design, selon les dessins qu'on a vus, est assez ordinaire. Ben, ça va, ça rentre dans le restant de la gamme. Ça, c'est mon opinion. Ouais. La particularité, cependant, qui est intéressante, c'est que ça pourrait se retrouver dans la catégorie des utilitaires sport sous-compact, ouais. en dessous du RVR. Okay. Et là, ça, c'est une catégorie dans laquelle Mitsubishi n'est absolument pas présent et qui a un succès bœuf au Canada actuellement, donc ça pourrait être intéressant. Ouais, mais il pourrait juste commencer par nous présenter l'Outlander PHEV vraiment au Canada, qui soit disponible à l'achat, puis ça serait déjà un bon début. Mais... Ouais, mais quand il va arriver, il va être déjà désuet. En tout cas, ouais, c'est ça. Dans la série, toujours, ben, on a parlé de la Zoe 500 km, la Smart électrique qui est aussi dévoilée là-bas. Mm-hmm. Il y a Volkswagen qui va dévoiler, comme on le disait, un véhicule électrique qui va être prêt, dit-on, à 400 km d'autonomie. Mm-hmm. Ça fait partie, c'est le premier des 30 nouveaux véhicules. Et il y a Porsche qui va arriver avec sa nouvelle Panamera 4e hybride. Donc, un véhicule que l'on peut brancher qui permet, avec un tout nouveau moteur V6 2.9 litres, moteur électrique additionnel, on parle de 462 chevaux. On fait à peu près 50 km en mode 100% électrique. Mm-hmm. La beauté, c'est que si on respecte les limites et que l'on utilise le système intelligemment, on dit que les estimations de consommation, c'est 4,4 litres aux 100 km. Comme... C'est absolument fabuleux, ouais. pour une voiture de cette puissance. Ouais, ça commence à être intéressant. Je l'avais conduit à Québec, au Salon de Québec, la Panamera hybride de génération présente, là. Puis j'avais fait le petit trajet au complet sur la batterie. J'avais pas. Oui. Puis actuellement, là, on parle vraiment. C'est vraiment une voiture qui est assez exceptionnelle. Alors je pense que ça vaut la peine. Ouais. La console centrale est assez mélangeante, par exemple. Il y a du piton là-dessus. Mais bon. Ça, monsieur, c'est parce que t'es pas habitué, tout simplement. Ça doit être ça. Je comprends que la techno, c'est pas ton fort, là. Non, ouais. Non, la techno, c'est mon fort, mais je conduis pas assez de Porsche souvent, j'imagine. Je te taquine. Et un dernier dévoilement qui m'a fait bien rigoler, c'est le Kinetic Seat de Lexus. C'est un siège en toile d'araignée synthétique. Bon. C'est basé sur un principe, semble-t-il, de véritable toile d'araignée. C'est dessiné comme une toile d'araignée. L'idée, en fait, c'est que le siège est conçu pour limiter les mouvements de la tête. Quand le véhicule se déplace, on veut vraiment que tu fasses le moins possible de mouvements de la tête pour pas perturber ton champ de vision. Donc, c'est vraiment le siège cinétique qui a été fait pour ça. Et oui, effectivement, il y a une espèce de matériau qui est conçu comme une toile d'araignée, comme je le dis, à partir, semble-t-il, de composantes de véritables toiles d'araignée qui permettent de supporter les contours du corps vraiment. Et on dit que peu importe le poids ou la durée du trajet, tu parlais de la Malibu tantôt, mm-hmm. c'est le genre de siège qui te permettrait de faire des milliers de kilomètres sans même avoir à te replacer parce que, semble-t-il, ton corps est tellement moulé dans le siège que tu te sens en pleine forme. Non, ça doit être pas pire, surtout en cas d'accident, une toile d'araignée, si tu restes collé dedans. T'écoutes vraiment trop Spider-Man. Ça va remplacer ceinture de sécurité, t'es littéralement collé à ton siège. Ouais. Ok, bon voilà, moi je vais arrêter là, moi je pense, parce que je trouve que là tu commences à déraper. Là. Déraper un peu trop. C'est beau Marc, donc justement on va finir là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, écoute, ils peuvent le faire via ma page Facebook, bien entendu. Ils peuvent aussi le faire sur les sites sur lesquels j'écris. EcoloAuto.com, VUSMag.com, AutoFeminin.com et LuxuryCarMagazine.com. Ce sont les meilleurs endroits. Sinon, par Twitter, Marc Souligné Bouchard. Et bien sûr, notre célèbre adresse courriel dont tu vas parler à l'instant. Ouais, info@saroulradio.com. On reçoit, moi et Marc, les courriels envoyés là. J'ai encore des gens qui écrivent à l'ancienne adresse du podcast Auto. Je la regarde, mais beaucoup moins souvent. Donc, vous êtes mieux d'envoyer ça à info@saroulradio.com parce que ça rentre directement dans nos boîtes de courriel principales à moi puis Marc. Donc, c'est la meilleure place. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur le nom Scalazormo. Il y a le compte aussi Twitter de Saroul Radio qui est Saroul Radio. Même chose sur Facebook, Saroul Radio. On a le saroulradio.com si vous voulez aller voir les émissions, les télécharger directement en version MP3 et mettre ça sur votre ordinateur. Sinon, iTunes, Google Play, on est disponible aussi sur Radio H2O, Radio Highway et sportradio.ca. Et puis moi, vous pouvez me lire aussi sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Présentement, je suis en train d'essayer le nouveau jeu Forza Horizon. Horizon 3. Si jamais j'ai le temps, peut-être que je ferai une petite critique sur l'émission parce que ça parle un peu d'automobile. Si vous êtes amateur de jeux vidéo et amateur d'automobile, mettez un petit 80$ de côté parce que je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Le jeu est magnifique et vraiment, vraiment le fun. Donc, je vais en parler. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais allé au lancement d'un Forza, moi, directement sur la piste de Top Gear en Angleterre? Ben non, tu m'avais pas dit ça. J'avais eu un tour de Lamborghini fait par le Steve. Ah, ben non, tu m'avais pas dit ça non plus. Dans le temps, c'est fou les choses que je te cache. Dans le temps, que Top Gear était bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez me rejoindre là. Et si jamais j'ai pas le temps de faire la critique sur l'émission, ben écoutez mon autre podcast que je fais avec mes copains qui s'appelle Réalité Augmentée. On va faire une émission spéciale Forza Horizon 3. Donc, là-dessus, merci Marc d'avoir fait cette émission-là avec moi encore une fois. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine.